Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 50e numéro du mag. On n'avait pas vraiment prévu de se retrouver avant la San Diego Comic-Con, avant de vous faire le bilan de cette San Diego Comic-Con 2016, mais la pluie d'annonces qui sont tombées ces derniers temps nous ont un petit peu obligés à faire un mag supplémentaire. Vous allez donc avoir droit à un petit débrief de toute l'actu des séries télé, du cinéma, des comics VO tombés dans les 2 dernières semaines. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 50e mag. Et avec moi, Arnaud. Salut. Et Clément. Salut. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais nous sommes le 16 juillet 2016. De toute façon, vous allez avoir l'émission dans la journée. Allez, on va commencer avec les séries télé. Il y a eu beaucoup de choses, des choses bonnes, des choses moins bonnes qui sont tombées dans ces 2 semaines. Mais il y a quand même eu beaucoup plus de mouvements que dans tout le mois de juin réunis. On peut le dire, que ce soit côté série, ciné ou comics. Enfin, il s'est passé quand même pas mal de choses. Et ce qui m'agace un peu, on peut peut-être le dire avant de commencer ce petit débrief de news, c'est que ils ont pas été foutus d'attendre San Diego, quoi. Oui, c'est con, c'est juste con. C'est quand même beaucoup d'annonces qui auraient mérité San Diego et qui auraient peut-être pu faire que cette édition ouais. 2016 soit une grosse édition, parce qu'il y a quand même de très très grosses annonces. Et non, ils ont tout lâché une semaine avant. Franchement, c'est un peu con, mais bon. Ils ont tout lâché, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'a lâché la Fox? Ils ont lâché un poster de Gotham avec le masque de la Court of Owl. Et là, vous êtes tous joyeux. Ouais, j'ai un peu peur. Est-ce que vous l'avez vu, ce faux? Ouais, j'ai vu le masque. Il est beau, hein? Ouais. Ça aurait pu être pire. Le plus beau masque des soirées sadomaso dans les clubs parisiens. Non, mais ouais, Enfin, moi, j'aurais préféré qu'il garde masque. Il est très différent, c'est pas le masque blanc, hein. C'est vraiment un ah, masque. Ah oui? Voilà, un peu cuir, noir, enfin vraiment un truc, moi ça m'a vraiment fait penser, soirée un peu particulière. Bon, on a l'officialisation du Court of Owl, hein, si quelqu'un en doutait encore. C'est super grand que ça Oh oui, oui, on les a vus de toute façon. Donc. Ah ouais? Ah bon? Oui, dans le final ou dans l'avant-dernier épisode de la saison 2, je crois. On les voit, ah, d'accord. On les voit dans un écran, c'est eux qui dirigent Hugo Strange. Ah, c'est ok. C'est eux qui sont derrière tout ça. En même temps, ils sont derrière tout. C'est oui. La Court of Owl. Une nouvelle qui a été fortement commentée par Arnaud dans notre cercle privé, c'est les nominations aux Emmy. Donc, Arnaud, écoute, fais-toi plaisir, fais-nous un petit débrief de ces nominations côté comics, principalement. Oui, pas énormément de choses. Comme chaque année, il y a très peu de. Les séries comics sont jamais nommées pour les prix les plus importants. Il y a toujours des nominations pour les prix techniques. Et donc cette année, ni aucune série de la CW, ni Arrow, ni The C'est Flash. Bizarre. Alors C'est que les années précédentes, Arrow était nommé pour les cascades. Ah bon? Et il me semble que... Putain. Et il me semble que l'année dernière, Flash avait été nommé pour les effets spéciaux. Les effets spéciaux. Cette année, que dalle. Mm-hmm. Ni l'autre. Legends of Tomorrow, on n'en parle même pas. Et Supergirl non plus. Mais par contre, il y a 3 séries comics qui ont été nommées. 4, pardon. Même 5. 25. Donc, Preacher et Outcast sont hors catégorie puisqu'elles ont démarré trop tard. Mais il reste déjà les séries Marvel de Netflix puisque ni Agents of S.H.I.E.L.D. ni Agent Carter n'ont été nommées. Mais on a Jessica Jones, qui elle est nommée juste pour sa musique, pour la musique de son générique, et son générique en lui-même, pour la partie visuelle du générique. Et Daredevil, c'est pour le mixage sonore, pour le montage sonore, et pour les cascades. Ouais, les Gotham, cascades Daredevil, voilà quoi. Et il y a Gotham également. Et oui. Mais on en parlera après. Mais donc, ça fait 2 nominations pour Jessica Jones, 2 pour Daredevil. Il y en a 2 aussi pour The Walking Dead, pour les effets spéciaux. Et il y en a 2, non pas pour Fear the Walking Dead, mais pour Fear the Walking Dead, Flight, je sais plus combien. 162, non? Quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, je crois. Le spin-off en web-série de Fear the Walking Dead, avec des épisodes d'une minute qui ne servaient strictement à rien. Et cette série est quand même nommée pour le format court. Donc c'est quoi, meilleure série en format court, c'est ça? Je sais plus, mais je peux te retrouver Pas un truc ça du vite genre, quoi. fait. Meilleur, ah non, mais si meilleur format court pour une comédie ou un drame et meilleure actrice. Ah ouais. Ouais, étonnant. D'accord. Et donc ça fait deux catégories pour chacune de ces séries. Mais Et là, et la celle qui grande en rapporte le gagnante. plus, c'est Gotham. Eh J'étais ouais. un peu sous le choc, je dois l'avouer. Donc Gotham, trois Surtout nominations. vu les catégories. Donc on retrouve meilleur montage sonore avec Daredevil, meilleure cascade avec Daredevil, et surtout meilleure photographie. Après, Ah, ça c'est pas visuellement, étonnant. Gotham est propre, c'est beau, c'est une Oui. belle ambiance. Enfin voilà, ça je l'ai toujours Pareil. reconnu. Voilà, ils travaillent vraiment leur esthétique. On m'aurait dit meilleur décor, j'aurais pas été étonné. Après, meilleure photo, pourquoi pas. Bon, meilleure cascade. Il n'y en a pas tant que ça. Meilleure cascade, il voulait peut-être rendre hommage à la GoPro, je sais pas, mais enfin bon. La GoPro, c'était l'année dernière. On l'a vu en saison 2 aussi. Ah ouais? Ah oui, il y a eu un petit Ah passage à GoPro, putain. bah, évidemment. Évidemment. Bref, voilà, bon, les nominations aux Emmy, on aura la réponse quand ça? À la rentrée? 18 mars. 18 septembre. Oui, donc à la rentrée, c'est bien ça, Ah, donc sur le mois de septembre, je me souviens plus que c'était ouais. aussitôt. On vous en parlera donc. Aussitôt, c'est toujours au mois de septembre et une Ah, fois je c'était sais en plus. août. Ça avait été, il y avait eu un tollé parce que c'était trop tôt. Ah, d'accord. Toujours en septembre. Donc on vous en parlera après la reprise de la rentrée de bah, est-ce que certaines séries ont gagné ces prix ou est-ce qu'on se contentera de nominations pour elles? Allez, la Fox qui commande un pilote d'une série X-Men, enfin basée sur l'univers X-Men. Youpi. Ça fait rêver. Ouais. Est-ce que vous avez plus d'infos sur cette série et sur son concept? Produite par Bryan Singer, forcément. Donc Et produit par Bryan Singer et Simon Kinberg, oh, alors là qui c'est produit légendaire. les X-Men et les Fantastic Four également. C'est une coproduction Marvel et Fox, qui est la première, apparemment. Donc avec Jeff Loeb également. Et le showrunner, ce sera un ancien de Burn Notice. Donc rien de bien excitant. Et pour l'histoire, rien d'excitant non plus. C'est deux parents humains qui découvrent que leurs enfants sont des mutants et ont des pouvoirs et tentent de fuir. Voilà. Là, c'est un gouvernement hostile. Voilà. Bon, bah, pourquoi pas? Ouais, bah Ouais. ils la veulent leur série Ah bah Marvel. depuis quand qu'ils tournent autour, ils vont finir par Qui l'avoir. développait Hellfire qui a été mis de côté et maintenant ils la veulent. Voilà, donc la Fox, maison de Gotham et de cette nouvelle série X-Men. Allez Clément, une annonce concernant Flash est tombée cette semaine. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on aurait dû garder pour Sandy. Ah ouais, ça c'est con. Enfin Surtout que oui, ça te con spoil le complètement. début de la saison. Ça te spoil le début de la saison, ça te spoil sûrement ce que va induire Flashpoint. Enfin, c'est un gros spoiler et qui aurait mérité d'être annoncé à la San Diego Comic-Con vu que c'était attendu. Et bah ces couillons-là ont ni plus ni moins dévoilé à travers plusieurs photos le first look de Wally West en costume. Voilà. Bon, Voilà, donc on savait hein, que Wally West allait tout finir par est devenir quelque chose. Voilà. clé de On l'a vu en page, quoi. costume, on a eu le nom du personnage, donc effectivement, Kid Flash. Voilà. Mais bon, moi je trouve que c'est une mauvaise idée. Enfin voilà, je suis pas hyper emballé par le fait que Wally Et West même, soit Kid Flash, machin, tout ça. non. Enfin. Mais Et. même, c'est une grosse révélation. Je suis même pas sûr hein, que, enfin, la révéler à la Comic-Con, c'était le meilleur endroit pour le faire. Mais même, ils auraient pu la garder Ouais. pour l'épisode, pour la diffusion. C'est tellement Après, énorme que. on avait plus ou Ouais. moins compris qu'il était devenu quelque chose. Il s'est pris un Oui. éclair, enfin voilà. Enfin, depuis son apparition, il nous le tease. Il adore la vitesse et compagnie. On Ouais. a compris. Après, est-ce que Ce ça. l'accident qui lui est arrivé. Mais de Est-ce là à te le que. balancer dans un tweet, tiens, en fait, il devient Wally West et voici à quoi il ressemble. Et il Ouais, devient mais. Kid Flash, à quoi il Après, ressemble. est-ce qu'ils n'ont pas aussi voulu éviter les fuites? Parce qu'il y a quand même des images. Moi, j'ai vu des images du tournage. Tu vois très bien l'acteur en Wally West. Et en plus de ça, tu vois le bad. Logiquement, tu vois le bad guy de la saison Alors, on 3. ne sait pas Du si c'est un chien. bad guy, mais en tout cas, On on ne a sait vu un pas. autre personnage en costume. Ouais, un Ouais, autre pas vu. personnage en costume. Donc, Pas vu les photos. du coup, voilà, effectivement, ça se tourne à Vancouver, ça se tourne en plein air. Ouais, je C'était pense qu'ils aussi ont peut-être peut-être aussi le meilleur moyen d'éviter la Ouais, fuite. c'est sûr. Je pense qu'ils Chaud. ont peut-être pour un truc comme ça, je serais pas étonné qu'ils aient voulu prendre Les devants. Mais ouais, c'est dommage qu'ils aient pas pu attendre une Ça aurait été semaine une pour semaine, quoi. C'était pas grand-chose, la franchement. Comic-Con, quoi. Ils l'ont révélé Bah ouais, puis. 10 jours avant leur panel, quoi. C'est quand même pas. Et puis même si ça avait fuité, on aurait eu une photo dégueulasse, on aurait eu une belle photo pour la Comic-Con. Oui, voilà. Ouais, non, mais Bah, ça n'aurait pas je. fuité, je pense. Et puis même, ça se compte là, s'ils veulent garder la surprise pour s'en. Ils peuvent quand même décaler le tournage de ces scènes-là de 10 jours. Enfin, c'est pas non plus. Ouais, Bref. je comprends Ça pas coûte de trop. l'argent. Je comprends pas leur logique, mais bon. C'est pas grave. Ce qu'on a appris également, c'est que Kevin Smith sera de retour pour la Oui. saison 3 de Flash. Il sera de retour à la réalisation pour l'épisode 7 de cette saison 3, qui est, me semble-t-il, l'épisode qui va juste précéder le gros crossover, puisque je crois que c'est pour les épisodes Exactement. 8, hein, c'est ça. Ah, c'est Dans ça. l'épisode 8. Donc voilà, ça va être l'épisode précédant le gros crossover à 4 séries, donc réalisé à nouveau par Kevin Smith. Et Ah, ça. c'est lui qui va réaliser Ou le. alors, il n'a pas réalisé le crossover, il va réaliser l'épisode juste. Ah. Ou alors il décale le crossover. Je sais pas. En tout cas, voilà, Kevin Smith C'est une revient. très bonne chose. L'épisode a plutôt plu. Il a eu plutôt de bons échos, en tout cas sur les internets. Donc voilà. Il Bah, sera de retour à la réalisation. c'était l'un des meilleurs épisodes de la saison et c'était l'un des épisodes où les acteurs ont vraiment fait quelque chose de bien. C'est ça. Et puis, pas de nouvelles encore hein, concernant son éventuelle écriture d'un épisode d'Arrow, hein, puisqu'il avait dit que Ah ça le oui, c'est tenterait bien vrai. d'écrire un épisode d'Arrow. Donc, pas de nouvelles concernant ça. Il avait dit qu'il aimerait bien aussi toucher un peu à la série Supergirl. Pas de nouvelles non plus. Mais en tout cas, il sera bien là pour réaliser l'épisode 7 de la saison 3 de Flash. On a le titre de l'épisode de saison première de Flash, on le sait, Flashpoint. Mais on a les autres titres qui commencent à se révéler, notamment celui d'Arrow, saison 5, Ouais. qui s'intitulera Legacy. Flashpoint, D'accord. Legacy, Supergirl, ce sera Adventures of Supergirl, et on a appris ce matin, Legends of Tomorrow, ce sera Out of Time. Oh, ça pue. Ouais, donc ça pue l'incidence de Flashpoint sur toutes les séries alors. Bon, ouais, c'est, enfin voilà, il s'en cache même plus hein, maintenant. Enfin, Là, ouais, même Stephen Amell c'est. a du mal à cacher que de toute façon toutes les séries seront impactées, puisqu'il a échappé hein, que ça va être impacté majorly. Major League? Voilà. Ouais, donc, ouais, Legacy, c'est peut-être un bon moyen pour eux de. Ouais, bah ouais, Out of Time, Legacy et Flashpoint. Bon, bah voilà, on verra. Enfin, en tout cas, c'était voilà, c'est peut-être le moment de rebooter Arrow, donc Oui, non, mais c'est c'est un ce bon que je moyen de me le dis. faire. Oui, c'est un bon moyen de rebooter, ouais, comme tu dis. Donc, ouais, c'est effectivement. Et puis, une nouvelle qui fera plaisir, bah, à toi, Clément. Bah ouais, j'étais content quand j'ai vu ça. Alors, vas-y. Bah, il y a du nouveau, y a du nouveau au niveau du casting de la saison 3 de The Flash. Et on a appris, enfin, on a appris, je sais pas, il y a peut-être deux semaines, Une semaine et demie, deux une semaines, semaine ouais. et demie, on a appris, et c'est plutôt une bonne surprise parce que je trouve que c'est un acteur qui mérite, enfin voilà, c'est cool qu'il atterrisse dans une série comme ça. Et ben, on a appris que Tom Felton allait faire partie du casting régulier de la saison 3. Donc, pour rappel, Tom Felton, bah, c'est le Draco Malfoy de Harry Potter. Donc, voilà. C'est, bah, on le voyait pas, quoi. C'était un peu, il fait partie des acteurs où quand même sa carrière est au point mort. Donc, Bah, c'est, qu'on ait du mal à enchaîner, peut-être, oui, après. ouais, c'est ça. Mais Mais c'est du plutôt coup, cool, quoi. le revoilà, c'est très bien. On verra sa tignasse blonde et sa nouvelle moustache dans la série. Non, mais c'est cool. En plus, il est pas mauvais comme acteur. Donc, Il jouera le rôle d'un policier. d'accord. Non, bah, Un policier qui va trouver peut-être un petit peu louche ce qui se passe autour de Paris. bon, bah, à voir. D'après ce qui a été teasé. Enfin, voilà. Donc, bien, bien, bien. On va Ouais. passer à la catégorie comics VF, puisque je vous avoue, je n'ai pas pris le temps d'aller chercher ce qui s'était passé dans ces 2 semaines en VF. Il n'y a pas eu grand-chose d'annoncé, à part une anthologie Doctor Strange, je crois, chez Panini. Ah. On s'en doutait. Voilà. Du côté de la VF et de ce qui est sorti dans les dernières semaines, éventuellement, je peux vous conseiller de lire Sex Criminals tome 3, bien sûr. Matt Fraction, Chip Zdarsky. Parce que là, clairement, il y a un, comment dire? Il y a un tournant qui a été pris. C'est-à-dire que tome 1, on sentait bien qu'ils avaient des choses à dire, mais c'était encore dans le sous-entendu. Tome 2, ils ont été un petit peu plus loin. Mais alors là, le tome 3, ils ont lâché les chevaux. Et voilà, Ah si vous voulez voir, si vous voulez voir de la partouze, des gods, de la fée des nudités frontales, et les anges du foutre et toutes ces belles choses, allez-y, c'est dans le tome 3 de Sex Criminals qui s'intitule Triolisme ou Plan à 3 et plus si affinité. Voilà. d'accord. Un tome, voilà, vraiment, enfin, j'étais mort de rire, j'en ai ri aux larmes sur certaines pages, enfin, il est vraiment, c'est de plus en plus drôle. mais toujours aussi touchant, et c'est ça qui fait vraiment le sel de Sex Criminals, donc allez-y, quoi. Le tome 3 est dispo, c'est un très grand format, donc il coûte 20 €, donc ça, ouais, c'est vrai que c'est un peu cher, mais franchement, c'est le pied, quoi. Allez, on va arrêter pour la VF, du coup, on va passer au ciné, et au ciné, on a eu quelques petits trucs, notamment la Star Wars Celebration, ouais, c'est ça. Ouais. Qui a lieu en ce moment. Et on a eu un droit à un trailer. Enfin, nous, on n'y a pas eu droit parce qu'il n'a pas été diffusé dans le monde. Hein. Si je me trompe pas, hein, il n'a pas été diffusé publiquement. Personne l'a vu sur YouTube. Non, il sortira pas. Il est sorti, c'était exclusif pour cette convention. Ah bon? Mais ce qu'on sait, c'est que dans ce trailer, Darth Vader apparaît. Ah! Enfin. Donc, Enfin. on le voit dans un, enfin, on le voit en reflet. C'est-à-dire que dans le premier, on a eu le premier trailer, hein, de Rogue One, on a eu une première vidéo, avec juste la respiration à la toute fin. Ah oui, c'est On vrai. entendait son souffle. Là, il y a son souffle, mais cette fois, on le voit en reflet. Ouh. Donc voilà, on fait monter un petit peu la pression autour du personnage, et c'est plutôt malin. Et t'as eu quand même le trailer Making of. Oui, il y a eu un behind the scene, ouais, Et effectivement. franchement, qui donne vraiment envie, hein. Qui se tape. En matière de com, Disney et Lucasfilm sont très bons. Et un poster dont j'ai bien envie de parler avec vous. Ah ouais. Ah ouais, ça change. Parce que je ne sais pas quoi penser de ce poster. Moi aussi, en soi, il est pas moche, Non, il est plutôt beau mais esthétiquement, mais ça ouais. fait Ça correspond pas, quoi. ça fait un peu jeu vidéo. Ah, je sais pas, moi je trouve que ça change Parce qu'on a, j'ai de. l'impression que ce ne sont que des images de synthèse sur Ah, ce je sais poster. pas, je l'ai trouvé très stylisé et Et je me ça suis demandé si change des c'était autres pour un jeu posters, quoi. vidéo ou pour un film en fait. Ouais, je sais pas. Et puis cette plage, tout ça, enfin ça fait, je sais pas, il y a Différent. un... Est-ce Ok. qu'après, ils ont pas voulu faire un poster pour montrer, voilà, ça pourrait être un film Star Wars, ça va quand même se démarquer de la trilogie, enfin de la saga principale. Oui, on n'aura pas ce poster stylisé avec le Oui, fond noir, les parce que de personnages toute un peu manière, dessinés, tout ça, voilà, oui. c'est ce qui semble, enfin, c'est ce qu'ils semblent clairement vouloir faire. J'avais lu peut-être il y a 1 ou 2 semaines qu'ils savaient pas encore s'ils allaient faire le fameux générique de début avec le logo Star Wars et Oui, et le un. menu et le résumé déroulant. Ouais, le résumé déroulant. Donc, Bah, c'est peut-être l'occasion de faire autre chose, effectivement, parce que c'est pas un épisode. ouais, justement, et c'est ce qu'ils ont dit, ils savent pas encore, ils hésitent et ils veulent quand même montrer, vous dire, voilà, ça pourrait être un film Star Wars, c'est quand même en dehors de la saga principale. Donc, est-ce qu'après le poster n'a pas été fait aussi dans cette optique-là, c'est possible. Peut-être, peut-être. Mais c'est vrai que ça change, hein, ça change vraiment des posters de Star Wars, on va dire, type, je sais pas comment on peut dire ça, peinture. Ouais, on peut, ouais. Ouais, enfin, c'est assez déroutant, mais qui est très beau, il n'empêche qu'il est très beau. Mais ouais, c'est déroutant. Bah, il est très beau, mais tu vois, par exemple, j'irais pas l'afficher chez moi, ce poster. J'avoue. Mais plus, c'est un poster parodique. Ouais. Genre. Il y a un truc, voilà, Non. je sais pas. Bon, enfin bref, voilà, c'est quelque chose de très personnel, hein, mais. Ah ouais, non, mais après. Après, l'étoile noire en fond, etc., en filigrane, ouais, c'est une belle À idée et tout. voir. Mais j'irai pas Après, afficher ça ouais. chez moi. Ouais, après, enfin, si on peut reparler vite fait quand même du trailer Making of, parce qu'il y a quand même pas, enfin, c'est quand même, même si c'est sur des images du tournage, c'est quand même des images assez inédites, et moi j'ai l'impression que le film a l'air quand même extrêmement sombre. Enfin, ça a l'air d'être une ambiance vraiment En différente même temps, on n'est de. pas là pour déconner, quoi. Ah oui, mais je crois que c'est ce qu'ils avaient dit d'ailleurs, ça a l'air vraiment d'être un film de guerre, quoi. Bah oui, ils sont en train de C'est. construire l'étoile noire, ça va être Ah très ouais, très je pense que espionnage, ça va on est être en guerre. pleine guerre, voilà, ascension de l'Empire, etc. Oui, Ouais, bah oui, on n'est pas là je pour pense que. déconner. Mais justement, enfin, moi, j'aime beaucoup qu'il y ait cette ambiance-là parce que ça va être intéressant, quoi. Ouais, non, c'est vraiment. Moi, ça me donne vraiment envie, quoi. C'est pas un Bon, film sur les Ewoks, voilà. ouais, voilà, mais le premier trailer, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier trailer. C'est vrai que là, depuis d'avoir vu un trailer Making of, bah, ça, ouais, ça. Franchement, ça a l'air plutôt sympa, quoi. Et tu sens qu'ils savent très bien où ils vont. Donc, Après, on aura certainement au sein de l'équipe même, voilà, des scènes oui, d'humour qui vont un peu, forcément, c'est voilà, toujours comme dépeindre un peu tout ça. ça. Mais Surtout, j'imagine, avec le robot. peut-être aussi, oui. Enfin... On peut jouer avec par Alan Tudyk, qui a l'habitude de faire de l'humour. Donc on verra, mais en tout cas, c'est en décembre que ça arrive tout ça. Ouais. Et on est un peu dans Star Wars quand on parle de Mark Hamill quand même. Mark Hamill qui va doubler Batman pour Killing Joke, qui arrive là. qui arrive dans la semaine au cinéma et à San Diego, et qui va arriver juste derrière en Blu-ray, DVD, voilà, en sortie DVD. Le cinéma sera juste pour une soirée. Hein. On l'avait dit, je crois que c'était la soirée du 23 juillet, quelque chose comme ça. Et Mark Hamill a dit que The Killing Joke ne serait pas sa dernière fois en tant que Batman. Tant mieux. Oh, ça c'est bien. En tant que Joker. Que Joker, oh là là, n'importe quoi. Oui, en tant que Joker. Donc voilà, ça nous annonce peut-être d'autres choses pour plus tard avec le Joker, et en tout cas avec la voix maintenant légendaire de Mark Hamill. Donc c'est cool. Totalement. Est-ce que la suivante est cool aussi? Oui. Voilà. Ah oui. Bah si, quand même. Oui. On avait un petit teaser comme quoi concernant Kingsman 2, comme quoi les personnages morts n'étaient peut-être pas forcément, et effectivement on a eu une photo de Colin Firth sur le tournage de Kingsman The Secret Service. Bon, je savais qu'il revenait. Mais là du coup c'est maintenant voilà, très officiel, parce que ça n'avait pas été dit vraiment comme ça de manière aussi frontale. C'est officialisé qu'il revenait. Ah bon ? Là, j'ai pas eu l'impression. Il faisait partie du casting. À part ce teaser avec les lunettes et tout ça, bon, je suis peut-être passé à côté d'une annonce. Hein. Non, ça avait été annoncé. D'accord, pour moi c'était ça l'officialisation en fait, donc du coup, ok. Bon, bah c'était un peu sans intérêt du coup cette petite news, mais quand même, il est là et il a fait une petite photo sur le tournage. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous parler de Wonder Woman, Arnaud, pour terminer cette partie ciné ? Oui. Wonder Woman qui sort donc dans un peu moins d'un an. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Non, tu n'en dis pas. Et donc on a appris que donc le scénario avait été écrit par Alan Enberg, ça on savait déjà. Mais surtout on a appris que Geoff Johns a participé à l'écriture du film. Ouais. C'est-à-dire qui a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que le script va détailler est écrit par Geoff Johns et Alan Enberg, et Zack Snyder ne s'est que contenté de pitcher en fait une histoire de base qui a peut-être été complètement déformée après dans l'écriture du script. Mais voilà, du coup ça a plutôt tendance à me rassurer moi. Oui, moi aussi. De savoir que Zack Snyder s'occupe pas de l'histoire. Bah, c'est surtout de savoir que Geoff Johns est derrière quoi. Et en plus en soi comment Snyder, il sait pas qu'il s'en fiche du film puisqu'il s'occupe de tout l'univers d'ici, mais ce film a moins d'importance puisqu'il sait pas la suite de Batman ou de Justice League. Comme le film se passe avant, se passe pendant la Première Guerre mondiale, il serait peut-être aussi moins occupé de tournage et du film. Ouais, peut-être aussi. Mais en tout cas, voilà, Geoff Johns. Peut-être qu'il peut voir un film. Alan Ainsberg, c'est quand même un plutôt grand monsieur. Ne serait-ce que pour Young Avengers. Voilà. Et puis il a écrit du Wonder Woman. Oui, aussi. Oui. Donc voilà, c'est des choses qui sont plutôt rassurantes. Après, est-ce que ça va me pousser à aller voir le film ? On n'en est pas encore là. Allez, voilà, pour le ciné, on va parler des comics VO maintenant. Et voilà, de toutes ces choses-là, il n'y en a pas une seule qui n'aurait pas dû être annoncée à San Diego. Ah, ça c'est clair. Pas si, il y en a une. La toute dernière, parce qu'elle serait passée sous le radar, parce que ça concerne les comics indés. Mais ce que Marvel que Marvel d'ailleurs a annoncé, voilà, ça aurait dû être annoncé à San Diego. On va commencer par par le leak, tout simplement, hein, qui est le leak de la liste de toutes les séries qui vont arriver après Civil War 2, donc le Marvel Now, tout simplement. Grosse connerie. Il y a eu une fuite, non, c'est pas vraiment une fuite, puisqu'ils ont sorti un petit catalogue preview, en fait, qui est sorti mercredi. Ouais. Et donc du coup, bah, forcément, les images sont passées sur le net. Voilà, dès que les comic shops les ont reçues, ils ont commencé à mettre des photos de ce catalogue, etc. Et du coup, bah, on a toute la liste complète des séries et des équipes créatives. Et c'est beaucoup, c'est 60. Avec des séries qui, comment dire ? Ah bah avec des séries, hyper palpitantes. c'est clair. Les Avengers des Grands Lacs. Voilà, Great Lakes Avengers numéro 1 qui sort au mois d'octobre. On est ravis de savoir ça quand même. C'est clair. Voilà, dans les choses intéressantes quand même qui ont été teasées, Nova numéro 1 avec peut-être, d'après le teasing, le retour de Richard Rider. Et ça, c'est une surprise. Plus son fils. Voilà, un personnage mort depuis bien longtemps maintenant et qui était réclamé. Et ben, il se pourrait bien qu'il revienne dans ce Nova numéro 1 en octobre. Une série Thanos. Par Jeff Lemire. Par Jeff Lemire. Ah. Jeff Lemire qui est l'homme en avant de cette semaine, vous verrez dans la suite de l'émission. Mais voilà, une série Thanos écrite par Jeff Lemire, dessinée par Mike Deodato. Ça va. Un bon duo. C'est pas de la merde. Sur le papier, ça fait envie. Ce qui fait moins envie, c'est l'espèce de phénix dans les yeux de Thanos. Ah, j'ai pas vu. Donc est-ce que Thanos a en ligne de mire la force du phénix pour remplacer le gant de l'infini ? Ouf. À voir, à suivre, Peut-être, ouais. mais voilà. Mais surtout, voilà, ce qui a quand même fait le plus parler cette semaine, Arnaud. C'est le retour de Jessica Jones, Ah enfin. oui. Puis quoi, ça fait au moins 8 ans que c'est terminé. Ouais, je crois, un truc comme ça. Et donc, c'est le retour de Jessica Jones, qui s'appellera Jessica Jones, c'est pas Alias. Mais c'est le retour de Jessica avec son équipe créative, puisque ce sera comment, Brian Michael Bendis et Michael Maliv. Gaydos. Et Geddos, oui, Maliv, c'est Daredevil. Avec des Et couvertures de David Mack. donc, une très, très bonne nouvelle. Et donc, on retrouvera Jessica et son mari Luke Cage et leur fille Danielle. Voilà, dans un monde qui a bien changé pour Jessica depuis la dernière fois qu'on l'a vue dans ses séries solo, et du coup, on nous annonce pas mal de changements pour le personnage sans. Enfin, on fait que nous les teaser, mais on va pas trop en parler, on va vous laisser Parce découvrir le que ça personnage. fait un moment qu'on ne l'a pas vue, parce qu'après ces séries, elle n'est pas arrivée dans d'autres, elle a Ouais, fait elle des fait petites quelques apparitions, apparitions. on sait que sa fille La Danielle. dernière fois, c'est quoi? C'est son mariage ou la naissance de sa fille? Ouais, et puis non, mais elle a fait quelques petits caméos par-ci par-là depuis quand même. Mais Rien bon, de bien. pas grand-chose. Là, elle revient avec sa vraie série. On sait que sa fille, enfin une version future de sa fille sera dans la série US Avengers, qui sortira aussi en octobre. US Avengers, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'une série US. US Avengers? C'est quoi la différence avec les Avengers? Eh ben, c'est les US Avengers. Voilà. C'est une équipe d'Avengers avec Squirrel Oh super! Ouais! Voilà. Attends, mais il y a mieux encore. Il y a Moon Girl and Devil Dinosaur. Ah oui, mais ça existe depuis longtemps. C'est le numéro 13 qui sortira en octobre, la C'est quoi série. cette horreur? Bah, Il moi, paraît c'est que c'est très bien. Il paraît que Marvel. c'est très bien et je suis à 2 doigts de la lire. Donc, Non, mais Moon Girl. Et si on Surtout parlait surtout. le dinosaure diabolique. C'est quoi ce truc? Ouais, mais le Devil Dinosaur, c'est un personnage assez populaire dans l'univers Marvel, surtout Je auprès des kids. connaissais pas. Moon Girl, voilà, c'est un concept. C'est la féminisation de Moon Boy, hein, tout simplement. Et du coup, non, il paraît vraiment, enfin, cette série a vraiment beaucoup, beaucoup de bons échos. Elle arrive déjà au numéro 13, ce qui veut dire quand même qu'elle fonctionne suffisamment bien pour continuer, ce qui est quand même assez rare chez Marvel. Des séries qui sont au-delà du numéro 13, vous n'en avez pas beaucoup. Ouais, et si on parlait vite fait de Elsa Chartier, Hein, quand même, qui décroche la qui a timbale, payé à Marvel? qui décroche la timbale et qui arrive chez Marvel avec The Unstoppable Wasps. Wasp, pas, pourquoi Wasps? Il n'y a pas de S. Donc, ouais, Unstoppable Wasp, putain, c'est dur à dire, qui sera donc dessiné par Elsa Chartier et le scénariste, c'est Jeremy Whiteley. Donc, bah Et voilà, DC qui laisse filer un gros talent. mais du coup, c'est bien stupide. Mais surtout, ce qui me fait penser, c'est quand on l'avait vue à la PCE, elle avait dit qu'elle avait une annonce qu'elle devait être faite à la Comic-Con. Et ouais, et ben Ça c'est ça. devait être ça, et finalement, bah non, sorti avant. Voilà. Grâce à ce putain de catalogue qu'ils auraient là encore pu sortir une putain de semaine plus tard. C'est C'est les clair. sollicitations d'octobre, on pouvait attendre. Et voilà, C'est et clair. d'ici encore, je comprends pas qu'il laisse Ah bah DC a perdu, filer bah Elsa voilà, parce Chartier. que voilà, Starfire par Elsa Chartier c'était quand même plutôt super beau. Il y a un annual d'Harley Quinn qui arrive, ou qui vient juste de sortir, mais là, je suis pas sûr, donc voilà. Ou le dernier numéro d'Harley Quinn, Harley Quinn 30, c'est ça qu'elle dessine. Enfin voilà, il y avait quand même des choses qui étaient. Voilà. Et DC aurait dû garder quelqu'un comme Elsa Chartier. Ben non, elle est partie chez Marvel, c'est très bien Nouvelle pour elle. génération. Très bien pour Wasp, elle. ça va être un personnage féminin, voilà, elle affectionne ce genre de personnage. Donc ok, bien, tant mieux pour C'est elle, cool, quoi. on est super content. Après, voilà. La série en elle-même. J'aurais préféré la voir rester chez DC. Mais bon. Ouais, moi aussi. Mais elle n'est pas en contrat d'exclus encore. Oh, ça, je ne sais pas. Non, je crois pas. Ça n'a pas Je été. crois pas. À moins que ce soit dit justement à San Diego. Mais Ouais, mais non, ouais, c'est cool. Moi, j'aurais aimé aussi la voir chez DC, mais bon, du moment qu'elle fait du je sais très pas. bon J'aurais tellement boulot. aimé l'avoir dessiné une série Supergirl ou un truc comme ça. Ah ouais, Ou c'est même pas Batgirl. Enfin, un truc. Enfin, ouais, Supergirl et Batgirl. ah. Je pense que c'est deux personnages qui auraient été vraiment, qui auraient Mais dû c'est revenir. surtout qu'elle mérite, en plus, elle mérite clairement de pouvoir dessiner enfin, on va dire un gros personnage, quoi. Bah, Wasp est quand même un grand personnage, c'est quand même un des Oui. aventures de base. Non, mais oui, non, mais enfin, je veux dire, je te parle de chez DC. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Elle aurait mérité. Donc après, c'est vrai que si DC, on en parlait, je crois que DC, si DC et ne décide pas de lui filer une série, bah, c'est normal qu'elle se casse, quoi. Bah oui, non, puis ouais, elle a une belle proposition, et c'est très bien. On ira jeter un œil, au bois, au dessin. Après. Parce que Wasp, c'est pas un personnage qui, moi, me passionne, donc je sais pas si j'irai Moi non lire. plus. Marvel en plus. Mais bon, après Panini a tout intérêt à sortir ça de manière à bien le faire, quoi. Parce que c'est quand même une artiste française qui monte et voilà, je pense que Panini fera quelque chose autour de ça. Oui, elle est facile d'accès, amenée à la PCE et compagnie. Oui, voilà. Alors, elle est encore plutôt facile d'accès et je pense que ça va pas durer très très très longtemps. Donc voilà. Tu crois? Ah oui, enfin voilà, clairement, c'est une artiste qui va être en train de, qui va monter, monter et qui va devenir sans doute une des grandes futures artistes de l'industrie. Et voilà, là, on peut encore, voilà, en France, accéder facilement à les achartiers sur des petits salons, etc. Je suis pas sûr que ce soit le cas encore très longtemps, vu l'envergure qu'elle va prendre. Enfin, voilà, pour moi, Ah elle bah non. va prendre vraiment une envergure énorme. Et... Bah oui, enfin, elle va être sur un titre régulier, Marvel, oui, forcément. Sachant qu'il y a la réputation derrière Et elle ne qui s'arrêtera pas là. Enfin, voilà. Je pense qu'elle Ah va bah aller non. très très loin. Allez, la dernière annonce de la semaine, avant de passer aux ventes du mois de juin, la dernière annonce de la semaine, c'est Royal City. Dit comme ça, bon. Mais Royal City, c'est l'histoire d'une famille et des fantômes qui la hantent. Ah, déjà, ça devient plus intéressant. On va suivre une famille sur plusieurs générations, sur 30 ans. C'est un projet Image Comics annoncé par Entertainment Weekly comme le genre de projet ambitieux qui a fait la renommée d'Image Comics. Voilà, ok, pourquoi pas. Dessiné et scénarisé par Jeff Lemire, Oui. Oui. qui nous annonce voilà, son projet le plus personnel qu'il n'ait jamais écrit, peut-être encore plus même que Essex County, qui était déjà Et sa magnifique vie. et très personnel. Donc voilà, Royal City, ça arrive en mars 2017. Ça sera une série régulière chez Image Comics. Et voilà, je pense qu'on va vous reparler de ça parce que vu la façon dont ça nous a été présenté, Ouais. voilà, Jeff Lemire, scénario, dessin, c'était pas arrivé depuis Trillium. Puis Jeff Lemire, quoi. Avant Trillium, c'était Sweet Tooth. Enfin voilà, quand Jeff Lemire est au scénario et au dessin, à chaque fois c'est des chefs-d'œuvre. Et là, il nous annonce son projet le plus personnel et le plus Oui, ambitieux. bah. Voilà, Qu'il c'est au... magnifique. Surtout, il est... enfin, rien qu'il est au scénario, déjà. Bah Voilà, c'est ouais, un pas tout peu le temps. dessin aussi. Voilà, pas tout le temps au Pas tout le scénario, mais temps. pas tout le temps forcément. Voilà, mais là, voilà, il y a tout fait rêver dans cette annonce. Donc mars 2017, Royal City numéro 1 chez Image Comics, ce sera clairement une des choses à ne pas louper au début de l'année Ouais. 2017. Du coup, je me disais, est-ce que ça serait pas impossible, du coup, parce que quand même pour scénariser, dessiner sa propre série, c'est lourd. Est-ce que on y aurait pas des chances, du coup, que Descender se termine? Descender, de toute façon, voilà, Descender n'est pas prévu pour durer très très longtemps, ça on le sait. Ouais, ça c'est sûr. Dustin Nguyen nous l'avait dit à Angoulême, mais je pense surtout qu'il a déjà pas mal de stock de prêts pour cette série, Pas. voilà, qu'elle est suffisamment avancée maintenant pour pouvoir la sortir et qu'il puisse continuer à travailler parce que voilà, oui, certes, il y a Descender, mais il y a aussi tout ce qu'il fait chez Marvel. Il Mika et est sur les compagnie. X-Men, il est sur Hawkeye, il arrive sur Thanos. C'est énorme, quoi. Voilà, il a quand même beaucoup. Et il arrive sur aussi un nouveau projet chez Dark Horse, qui sort là au mois de juillet. Ah oui, Black. Ah bon? Black Hammer. Ah oui. Donc voilà, le monsieur est quand même sur beaucoup, beaucoup de projets. Donc soit il est Il vient juste suffisamment. de terminer son projet avec Snyder. Aussi, il y a le graphic novel avec Snyder qui vient Ah, d'être il a terminé, terminé? Ça y est. Là, qui ça va sort arriver. à la rentrée, je Ouais, crois. ça sort à la rentrée, ouais. Ah oui, trop bien. Et on avait eu droit à une grosse, grosse, mais alors vraiment, ouais, très grosse preview de ce bouquin dans le Image Plus numéro 1 C'est ça que je voulais acheter, que j'avais oublié. qui était sorti il y a 2 mois. Voilà, c'est AD After Death, scénarisé par Scott Snyder et Jeff Lemire, et dessiné par Jeff Lemire. D'accord. Et il y Et avait le eu premier. genre 15 pages de preview, les 15 premières pages dans le Image Plus numéro 1 qui est sorti il y a deux Tu mois. les as lus, toi? Ouais, mais je vous dirai rien. Ah oh, putain, tu fais chier. Juste, ouais, enfin, garder un peu d'argent pour le mois de septembre. D'accord. Non, mais voilà, faut pas trop en dire parce que voilà, c'est le genre de projet qui peuvent marquer encore une fois l'année. Donc du coup, voilà. Ouais, Si c'est d'accord, pas en tu fais septembre, c'est en chier. novembre. D'accord, Oh. ouais, donc ça veut dire en novembre, Voilà, d'accord. ça Du sera coup, je le vais petit cadeau l'acheter de en Noël à se novembre. faire faire, peut-être. On va se faire Ouais, offrir. c'est ça. Un beau graphique novel comme ça. Voilà pour les annonces de la semaine de la semaine de la quinzaine du côté des comics. Je voulais quand même vous parler des chiffres de vente parce que il se passe quelque chose entre Marvel et DC avec il y a Civil War du côté de Marvel, il y a Rebirth du côté de DC. C'était des chiffres très attendus qui sur le papier n'ont pas bougé. Marvel est toujours au-dessus de 40%, que ce soit en dollars ou en unités. DC est toujours autour des 30%, que ce soit en dollars et en unités. Sauf que la grosse nouveauté, c'est que dans le top 20, on a 15 titres DC. Wow, putain, c'est énorme. Voilà. Civil War 2, numéro 1, est le comics le plus vendu du mois de juin. Mais derrière, à part Star Wars Han Solo numéro 1, il n'y a que du DC dans le top 10. Batman numéro 1 est deuxième. Batman Rebirth numéro 1 est troisième. Ah non, il y a Civil War 2, numéro 2, qui est cinquième. Dark Knight 3, The Master Race, numéro 5, est sixième. Dark Knight Returns, The Last Crusade, est septième. En 8, on trouve Superman Rebirth. En 9, on trouve Wonder Woman, numéro 1. Et en 10, on trouve Superman, numéro 1. Ce qui est intéressant, du coup, voilà, 15 sur 20 dans le top 20. Je crois qu'ils sont à 20 sur 30. Dans les 30 premiers titres, il y a 20 titres DC. Et DC n'a sorti que 100 comics sur le mois. Et ça, c'est hyper important, parce que Marvel, dans le même temps, en a sorti plus de 160. Ah ouais, d'accord, ok. Avec une telle différence de nombre, voilà, DC fait 30% avec juste 100 titres. Donc on dit 100 titres, c'est single plus graphic novel. Hein. D'accord. Et Marvel, avec 160, plus de 160 titres, bah, du coup, fait juste 10% de plus. Et si on ajuste tout ça, et ben, si on imaginait qu'ils avaient sorti le même nombre de séries tous les deux, DC serait très loin devant sur le mois de juin. Donc, la stratégie du Rebirth, a priori, sur le premier mois, de faire moins de séries, de les sortir en bimensuel, etc., de faire le prix à 2,99$, et ben, ça a l'air de marcher. En tout cas, pour le mois de juin. Maintenant, on va voir sur juillet, sur août, etc., comment ça se stabilise. Mais, DC prouve plutôt que c'est payant. Même si les chiffres nous disent DC 30%, Marvel plus de 40%, ouais, mais, dans les faits, les titres les plus vendus, c'est les titres DC. Donc, très bien. Tant mieux. Tu n'avais pas expliqué un truc, tu nous avais expliqué. Alors, il y avait autre chose, oui, effectivement, ouais. Sur le mois de juin, c'est que tous les titres DC Rebirth étaient complètement returnable, comme ils disent, c'est-à-dire que les comic shops pouvaient les renvoyer s'ils ne les vendaient pas, donc ce qui incitait peut-être à en commander plus, etc. Du coup, les chiffres de vente, Diamond fait toujours ça pour les titres qui sont retournables. En général, il y en a toujours un ou deux par mois qui sont complètement retournables. Et du coup, Diamond diminue de à peu près 20% son estimation des ventes sur le titre. Et ça a été le cas, du coup, pour tous les titres Rebirth, ce qui veut dire que tous les singles Rebirth sortis par DC ont une estimation de vente 20% inférieure. Ces 20%, change beaucoup aussi la différence entre Marvel et DC. Notamment le Batman numéro 1, qui a été vendu à 280 000 exemplaires. Si vous rajoutez ces 20%, il vient flirter avec Civil War 2 numéro 1 et il est juste genre 10 000 exemplaires en dessous de la première place. On sait que c'est diminué par Diamond, par un souci d'équité, parce que comme ils sont retournables, effectivement, tous ne seront peut-être pas vendus et les comic shops vont retourner. Sauf que ce qu'on sait des retours des comic shops, c'est qu'a priori, tout s'écoule. Ah ouais ? Ils ne regardent rien sur les bras. Enfin, il y a beaucoup de comic shops qui communiquent autour de ça, autour du fait qu'effectivement, les titres sont sold out chez eux. Voilà, tout ce qui est Batman, tout ce qui est Superman, Wonder Woman, etc. Tout ça, ça se vend, et ils en ont pourtant commandé beaucoup, et ça se vend. Et il y a un petit événement concernant Action Comics, c'est que Action Comics, le deuxième numéro sorti, a vendu plus que le premier. Et ça, c'est hyper rare. Ouh, C'est plus de l'ordre de 400 exemplaires. C'est pas grand-chose, mais c'est plus. Mais c'est rare. En général, ça a plus tendance à baisser au deuxième numéro qu'à augmenter. Ça baisse toujours un petit peu. Les baisses sont vraiment minimes sur tous les titres. Sur tous les titres qui ont eu deux numéros, les baisses sont vraiment très faibles. Mais voilà, pour Action Comics 958, il s'est mieux vendu que le 957. Donc à suivre du coup pour les prochains numéros sur comment va se comporter ce titre-là. Superman est en super forme. C'est la première fois depuis très longtemps que Flash est au-dessus des 100 000 exemplaires. Voilà. Bien joué DC. Et à suivre sur les prochains mois comment ça va se passer tout ça. Du côté des graphiques nouvelles, des TP, etc. C'est Saga Volume 6 qui est en tête. Voilà, il est sorti en juin, voilà, logique, il est en tête. Voilà. Et en deuxième position, c'est Dark Knight, A True Batman Story, graphic novel de Paul Dini. Qui, j'espère, sortira bientôt en France. Voilà. Troisième position, Sex Criminals Volume 3, intitulé en anglais Three the Hard Way. Donc bah voilà, la même titre qu'en VF, hein, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour le top 3 DTP. On vous reparlera des ventes à la rentrée, évidemment, voir un petit peu comment ça s'est comporté tout ça, mais même si on semble croire, d'après les chiffres, en les regardant juste comme ça, que Marvel est encore loin devant, clairement, c'est plus le cas. Donc, à suivre. À suivre. Les prochains rendez-vous, justement, puisqu'on est dans le à suivre, c'est le prochain mag, celui qu'on avait prévu de vous faire, qui était a priori le seul de l'été, mais bon, l'actualité nous a un peu obligés à revenir avant. Ce sera le 51, ce sera fin juillet, après la San Diego Comic-Con, et on vous fera un petit bilan de cette Comic-Con. Sauf si tout ce qui est annoncé à la Comic-Con, c'était ni plus ni moins que ce qu'on sait déjà. Puisqu'après tout, on n'est pas à l'abri que San Diego ne nous apprenne rien de plus que tout ce qu'on a déjà appris par des fuites ou autres. Et qu'au final, bah, ce soit juste une répétition de tout ce qu'on sait, quoi. Ça serait malheureux. C'est ça. Ça serait un peu dégueulasse, mais bon, voilà. Ce serait une pauvre San Diego Comic-Con. On verra, on verra. En tout cas, le prochain sur nos écrans qui arrive, lui, c'est Suicide Squad. Parce que oui, il y a quand même Suicide Squad qui arrive cet été. Et voilà. Il y a une espèce de petite tension autour du film. Je sais pas si vous la ressentez, vous, mais... Tension dans quel sens? Mais je sais pas, il y a... Beaucoup de choses se jouent. Il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de ce film, on le sent de plus en plus dans la com, etc. On a des gros gros efforts de com pour nous essayer de nous entraîner, nous dire allez-y, ça va être super, machin, tous les acteurs parlent, etc. Surtout pour nous dire, ça va être fun, vous allez adorer. C'est ça, il y a vraiment Comme beaucoup de. Voilà, la voilà. communication est vraiment axée autour du fun, autour de ouais, c'est un film de l'été, etc. Mais bizarrement, les gens qui parlent du film, quand on lit un peu les articles, etc., bah, n'ont pas l'air de suivre ça, quoi. Enfin, on a l'impression que c'est Warner qui lance le train, mais que bah, y a personne dans les wagons, quoi. Bah, je Ah t'avoue bon. que moi, ça fait un peu ça. Hein. J'ai beau Les voir sites la com. internet relaient les choses, etc., mais je ne sens pas D'engouement. d'enthousiasme de la Ah non, mais part peu de gens en parlent. Hein. À Ah part non, il les n'y a pas. sites. Bah, les sites spécialisés en parlent, mais les autres, non. Oui, mais Non, sinon, non, il y a peu de gens qui en parlent. Ah voilà. Il n'y a pas du tout d'engouement. Hein. Ça va être intéressant de voir bah déjà comment est ce film-là, hein, je compte sur vous pour me le dire, et puis de voir comment il est reçu. Et ouais, je pense qu'il y a Bah quelques ouais, temps. c'est. Pourtant, les estimations disent que ça va être un énorme succès. Bah, un énorme Ça succès, se fait en 25 minutes. peut-être, mais. Bah, les dernières prédictions, ce serait de l'ordre de 123 millions au premier week-end. Voilà. Ce qui serait plus que les Gardiens de la Galaxie. Certes. Mais, encore une fois, moins que Deadpool. Et moi, même si c'est pas la même Oui. période de l'année, ça reste quand même un marqueur important que Deadpool, sur Ah le territoire américain, oui, parce que... mais je parlais des Gardiens parce que c'est Oui, parce sorti à que la c'était même la même époque. époque, non, et bien sûr. Voilà. Donc, effectivement, il y a une histoire d'époque qu'il faut prendre en compte, etc. Mais quand même. À voir après. Ouais, Sont je effectivement très pense que optimistes, mais... ça va être le bouche à oreille, quoi, qui va être Ah déterminant pour le bah, coup. le démarrage de BVS avait été en trombe aussi, hein. Oui. Ah oui, puis après, il y a eu le bouche à On sait ce oreille. qui s'est passé sur le deuxième week-end et encore plus sur le troisième. Bah, ils ont perdu la moitié. Voilà, donc du coup, à suivre pour Suicide Squad. En tout cas, on vous en parle dans le prochain sur nos écrans. Ce sera au mois d'août. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos anciennes émissions sur iTunes, sur PodCloud, pas trop sur le site, puisque les dernières, je vous avoue que je les ai pas trop mis sur le site. Donc allez voir sur PodCloud, sur iTunes. Vous faites une petite recherche, même sur Google, vous les trouverez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours nous laisser des petits commentaires, des petits messages sur Twitter, sur Facebook ou par mail redac@comicstories.fr. N'hésitez pas à le faire. Bah, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions si vous voulez notre avis ou si vous voulez nous suggérer des sujets d'émission. Il n'y a pas de problème. Allez, on se retrouve après la San Diego Comic-Con, mais en vrai dans les émissions un petit peu plus vite puisque on est le 16 juillet. Mais voilà, demain vous aurez normalement le bilan de saison. Des séries télé. Quelle est la série télé qui sortira en tête cette année? Walking Dead. Allez, bon été et puis bah à tout bientôt. Salut. Salut.